Ce podcast est soutenu par les éditions de livres audioscientifiques de Vive Voix. C'est l'un des plus grands mystères d'aujourd'hui, un monde à part qui se développe de façon anarchique et assez incompréhensible pour le commun des mortels. La langue pratiquée y est majoritairement un mauvais anglais, bourré de termes techniques pour effrayer les débutants. C'est le lieu du siège social de l'association de Podcast Science. Ce soir, Nico nous ouvre les portes de l'Internet mondial. Non, du web! Bon, bah, c'est bien, Robin, t'as commencé par une erreur. C'était même pas joué en plus, t'as vu? C'était. En fait, je voulais mettre web parce que tu m'avais expliqué la différence, mais je trouvais que ça sonnait beaucoup moins bien pour la fin de l'intro. Voilà, bon, bah, tour de table ce soir. Donc, nous avons Robin et Boson depuis Paris. Salut tous les deux. Salut. Nous avons Pascal depuis, j'oublie toujours depuis où, mais depuis son ordinateur finalement, parce que Pascal, c'est notre. Salut tout le monde. Voilà, voilà, et en fait on est que tous les trois finalement, parce que Irène, pas de nouvelles sous les yeux, on a peut-être loupé son message, je lui disais qu'elle était pas là, et Johan est un peu surbooké, donc il va pas être là ce soir, il est excusé. Et voilà. Au sommaire de l'émission de ce soir, mon dossier est sur le web, une quote, un pitch, et ce sera tout. D'autres informations les autres, ou on est parti? On est parti. Comme un boulet de canon. Alors on est parti comme un boulet de canon, pour un dossier sur le web. Alors, on va commencer par une petite anecdote. Dans le Guide du Voyageur Galactique, donc l'excellente trilogie en 5 volumes de Douglas Adams, il y a pendant quelques lignes une petite présentation que j'aime bien, qui est reprise dans le film, où il présente les Jatravartistes, qui est un peuple principalement connu pour avoir inventé le déodorant avant la roue. Et alors là, dans le film, vous voyez des gens, des extraterrestres qui sont en train de, dans un dépotoir avec des montagnes de déodorants usagés et qui naviguent dans des véhicules avec des roues carrées. Et alors ça, c'est amusant parce que autant Douglas Adams, qui a une imagination sans limite, avait pu envisager un monde sans roues rondes, par contre, il avait l'air de lui paraître impensable, ou enfin en tout cas à ceux qui ont mis en image son idée, qu'on n'ait pas inventé le fait de faire rouler quelque chose, le fait de faire rouler la roue finalement. Pourtant, alors j'en sais rien, David Loureiro faisait remarquer que j'avais pas de source, mais à mon avis, s'il y a eu vraiment invention révolutionnaire à ce sujet-là, c'est plus probablement dans le fait d'avoir fait rouler des trucs pour dépasser d'autres choses que dans le fait d'avoir créé des objets qui pouvaient rouler, parce qu'on avait déjà des cailloux, des troncs d'arbres, etc. Et c'est plus dans le fait d'utiliser ça en tant qu'outil qu'on a sans doute révolutionné la chose. Alors si je vous parle de tout ça, c'est parce que ce soir, on va parler d'un truc que vous utilisez la plupart du temps sur votre ordinateur ou votre smartphone, et en fait la plupart du temps dans votre vie, le web. Et en fait, si ce dossier m'a paru être une bonne idée, c'est justement parce que dans nos têtes, ben en fait, le web n'existe pas vraiment. C'est plus Internet qui existe, et en fait, dans la tête de la plupart des gens qui ne sont pas développeurs web, c'est une sorte de gloubi-boulga où tous les mots web, HTTP, HTML, Internet sont un peu équivalents. Et pourtant, il y a bien eu un Internet sans web. Et le web que vous utilisez tous aujourd'hui a commencé par l'écoute ou la lecture de ce dossier, selon si vous l'écoutez ou si vous lisez sa version écrite qui sera publiée sous peu, a été créé bien après Internet, et ça paraissait pas, au moment de sa création, si indissociable de l'Internet. Il y a plein de gens même qui voyaient pas forcément l'intérêt du web tout de suite, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il est temps de rattraper le retard et de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ces choses différentes, comment c'est apparu et comment ça a évolué. Donc pour commencer, avant de parler du web, on va parler un peu de l'avant-web, parce que c'est souvent ça qui est assez compliqué à imaginer. En fait, chaque révolution scientifique et industrielle apporte tant de changements dans notre quotidien que parfois il est compliqué d'imaginer l'avant. Comment on vivait sans frigo, comment on faisait ses recherches sans Google, comment on préparait un exposé à l'école sans Wikipédia, comment on se donne rendez-vous sans téléphone portable pour dire « je suis là où tu es », comment on rejoint ce rendez-vous justement sans GPS. Alors, Internet a été créé au cours des années 60 et en fait a vraiment abouti au début des années 70. Et le web, lui, est arrivé dans les années 90. Ça veut dire qu'il y a quand même eu 20 ans avec de l'Internet sans web. Donc, à ce stade, vous savez toujours pas quelle est la différence entre Internet et le web, parce que j'en ai pas parlé, et pourtant, pendant 20 ans, y a quand même eu l'un qui a existé sans l'autre. Donc il doit quand même y avoir une sacrée différence. Alors, faudrait un jour qu'on fasse un dossier sur l'Internet, c'est pas le dossier de ce soir, donc je vais vous faire court. Internet, c'est bel et bien une invention assez remarquable, mais c'est pas Internet qui fait que tous les ordinateurs du monde partagent des photos de chats aujourd'hui. Il a juste un peu simplifié les choses. Pour vous donner une idée, on va imaginer qu'on est sur une planète entièrement vierge et que chaque ordinateur représenterait une petite ville. Assez rapidement, ces ordinateurs ont été simplement mis au réseau en tirant des câbles entre eux. Finalement, mettre un ordinateur en réseau, c'est apparu assez tôt parce que ça consistait à relier deux ordinateurs. Et quand c'était plus loin, on tirait des câbles plus longs. Donc, sur notre planète avec des petites villes, relier ces ordinateurs en tirant un câble entre eux, ça revient à créer une sorte de voie totalement privée, réservée à l'usage des deux villes en question. Et en fait, à l'époque, la plupart du temps, ça demandait aussi aux deux villes de se synchroniser avant d'utiliser la dite route pour pas qu'il y ait d'accident. Donc c'était quand même une approche assez, entre guillemets, coûteuse, parce que dès qu'on voulait une connexion entre deux ordinateurs, on tirait un câble et puis ça limitait pas mal les choses. Mais bon, ce genre d'approche, ça n'a pas empêché de développer des réseaux de machines et qui ont pu grandir un peu dans leur coin. Donc il y avait des universités qui pouvaient être en réseau, il y avait l'armée qui pouvait être en réseau, etc. Ce qui fait qu'on pouvait avoir un réseau, on pouvait avoir pas mal de choses, sans pour autant que ce réseau-là soit Internet. Alors Internet, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a apporté un peu d'ordre dans tout ça. D'abord, il a interconnecté les réseaux, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une route par connexion entre destinataires, il permettait à tous les réseaux d'être connectés entre eux, et du coup de ne pas avoir tout le temps à construire de nouvelles routes quand on voulait faire une nouvelle connexion. Et ensuite, histoire que ce soit pas trop le chaos, il a créé un peu le code de la route, de ces routes-là. C'est-à-dire il a mis en place des protocoles, des manières de communiquer, dont le plus connu, vous avez peut-être déjà entendu ces termes, mais en tout cas certains les auront entendus, c'est TCP/IP, qui est un protocole et qui fonctionne aussi avec un nom qu'on a donné à chaque ville, qui est l'IP. Vous avez sans doute déjà vu l'IP, ne serait-ce que pour faire accepter votre ordinateur dans le réseau de votre université ou je ne sais quoi, c'est quatre chiffres séparés par un point. C'est le nom, en fait, de chaque ordinateur, le nom de chaque ville. Alors, Internet, à la base, c'était un projet militaire, et du coup, son but, en tout cas selon la légende, j'ai pas fouillé suffisamment pour vous dire à quel point c'était vrai, c'était de résister à une attaque nucléaire. Et du coup, le système a été conçu totalement décentralisé. C'est-à-dire qu'il fonctionne sans autorité centrale, et si on supprime des nœuds, c'est pas très grave, si on supprime des machines, ça continue à fonctionner. Et cette décentralisation était tellement bien foutue, tellement robuste, qu'en fait, non contente de survivre à une explosion nucléaire, en fait, elle a réussi à survivre encore aujourd'hui à toute tentative de prise de contrôle. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment éteindre Internet. Alors, il y a bien des pays qui arrivent à éteindre Internet dans une région géographique, mais ils éteignent pas Internet. Internet continue d'exister par-dessus ça, et il y a même des gens qui réussissent à l'utiliser dans les pays où c'est bloqué. C'est souvent même des choses amusantes qui se disent dans les milieux de développeurs, etc. Si la Chine n'arrive pas à bloquer Internet, c'est que ça doit sans doute être impossible, quoi. Je sais pas si t'as déjà entendu ce genre de truc, Pascal. Oui, mais on peut demander aux témoins. C'est vrai qu'on a quelqu'un à Shanghai. D'ailleurs, on fait remarquer que la Corée du Nord a éteint Internet chez eux. Alors, c'est ça, c'est qu'ils mettent en fait un gros blocage, mais ça m'étonnerait pas qu'en Corée du Nord, il y ait des moyens de passer outre. Et de rejoindre l'Internet. Pour la Corée du Nord, c'est surtout qu'ils n'ont pas des masses connectées. Ouais, c'est ça. Voilà, donc avant l'arrivée du web, on a donc des routes, on a un code de la route, on a des adresses pour les villes, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de moyens de transport entre chaque maison de la ville, les fichiers de l'ordinateur. Il n'y a pas d'adresse pour justement accéder à ces fichiers. Il n'y a pas un moyen de transport bien clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la Ford ET comme on avait sur les routes que tout le monde puisse utiliser facilement sans trop se poser de questions. Alors, il existe déjà bien sûr un grand nombre de transports plus ou moins faciles à utiliser, mais aucun vraiment grand public. Alors parmi les populaires, on peut citer certains dont vous avez déjà peut-être entendu parler, le FTP. Alors je vais dire ce que veulent dire les acronymes, parce que c'est peut-être la seule fois de votre vie que vous allez les entendre. File Transfer Protocol, donc un protocole pour transférer des fichiers qui est apparu en 71, donc assez tôt, qui permet, comme son nom l'indique, d'échanger des fichiers. Un truc qui a un peu disparu, parce que justement ça a un peu été éclipsé par le web, c'est les newsgroups, qui sont des sortes de forums de discussion, mais qu'on utilise avec un logiciel spécifique, pas avec le navigateur web, vu que ça n'existe pas encore. Et bien sûr l'email, qui en fait est apparu dès 65, c'est-à-dire un peu avant l'Internet. Alors ça veut dire que là, le dossier commence, et vous avez déjà de quoi briller au prochain repas de famille, sans même toujours avoir bien compris ce qu'était le web. L'email existait avant Internet, qui lui-même date de 20 ans avant le web. Pas mal quand même. Moi, ça a été une vraie découverte que l'email existait avant Internet. Je m'étais jamais vraiment posé la question, mais ça m'a beaucoup étonné au début. Je sais pas si toi, ça te surprend un peu, Pascal. L'email, ouais. L'email, je l'aurais placé après Internet, mais... Donc l'email sans Internet, ça veut dire que on s'envoyait des courriers électroniques dans les réseaux qui n'étaient pas interconnectés entre eux. Donc le réseau de l'université, il pouvait y avoir un courrier électronique. Le réseau de l'armée, il pouvait y avoir un courrier électronique. Par contre, pour papoter de l'université à l'armée, a priori, c'était pas facile, quoi. Par contre, ça devait pas être l'email tel qu'on le connaît, je pense. Ouais, alors tous ces trucs-là, on parle de leur apparition, c'est de l'informatique, donc il y a plein de versions, ça évolue énormément. Là, typiquement, je crois que dans le premier email avant Internet, il n'y avait pas encore l'arobase, par exemple. Donc ça devait changer un tout petit peu les choses. Bon, alors bien sûr, de toute façon, j'allais y venir. Vous pouvez briller en société en racontant tout ça, mais en fait, pratiquement personne n'a connu le web sans Internet, et alors encore moins de personnes l'email sans Internet. Donc voilà. Même si ça a existé pendant 20 ans, en fait, Internet a été vraiment démocratisé dans le début des années 90, donc un peu encore en concordance avec le web. Pas que du fait du web, mais aussi du fait d'une légalisation qui permettait de diffuser, d'utiliser Internet pour d'autres choses que pour les universités et pour l'armée. Donc par contre, à cette époque et jusqu'à la création du web, c'est là où je voulais en venir, il n'était pas question de surfer sur Internet. C'est-à-dire que tout un chacun ne pouvait pas s'allonger sur son lit, allumer son ordinateur et fouiller Internet mondial à la recherche de la meilleure recette de Charlotte aux poires. Accéder à Internet, c'était encore une activité suffisamment compliquée pour seule une poignée d'universitaires et de militaires y ait accès. Alors, faut dire qu'il y a une petite histoire de timing là-dedans qui est très bien racontée. Je vais vous faire des conseils de bouquins à la fin, mais il y a un bouquin de l'auteur de la bio de Steve Jobs qui s'appelle Innovators, qui en fait raconte toute l'émergence de la révolution numérique, donc à la fois l'émergence des ordinateurs personnels et d'Internet et du web. Et on voit qu'il y a quand même une vraie concordance de timing entre les inventions hardware, donc ce qui est processeur, transistor, ordinateur, et les inventions software, tout ce qui est Internet, réseau, etc. Et justement, cette histoire de timing, c'est que là, on vous parle d'une époque où il n'y avait pas grand-chose au niveau ordinateur personnel. L'Apple II, qui est un des premiers ordinateurs largement distribués, il est apparu en 77. Et encore, c'est pas un ordinateur qui a été distribué de manière massive. Et c'est plutôt vers le milieu des années 80 et début des années 90 que là, il y a eu une diffusion massive des ordinateurs personnels dans les maisons avec l'arrivée du Macintosh en 84 et Windows en 85. Mais avant ça, il y avait très peu de monde qui avait un ordinateur. Et c'était plutôt dans les labos de recherche ou dans les universités qu'il y avait des ordinateurs. Alors, on a pas beaucoup de vieux là autour de nous qui auraient pu nous raconter cette tendre époque. Pascal, toi, t'es pas assez vieux pour ça, non ? Non, quand même pas, non. J'essaie d'inviter Irène qui pourrait peut-être t'aider, mais non, désolé. Bon, en tout cas, c'était une joyeuse époque, ce qu'on a peut-être connu, en tout cas moi je l'ai connu, c'était l'époque où on parlait de faire de l'ordinateur. C'est une expression qui m'est revenue à l'esprit récemment, mais oui, à une époque, c'était tellement suffisant en soi de dire faire de l'ordinateur. On n'avait pas besoin de dire je vais sur Facebook, je vais ceci. Non, je fais juste de l'ordinateur. Donc on ouvrait Paint et puis on colorait des trucs, on était contents. Paint qui est un logiciel qui n'existe plus, je crois, pour faire du dessin sur Windows. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui, pour faire un lien, où on entend beaucoup parler à la télé de vie connectée sans différenciation entre toutes les activités qu'on peut avoir justement sur les réseaux. Ça, c'est juste une petite pique, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu cette approche de aucune différenciation dans l'activité, il fait de l'ordinateur, c'est mal, alors que finalement, on peut faire de l'ordinateur pour des choses très intelligentes et pour des choses très futiles. Alors, donc tout ça, au niveau des... On venait de parler là, de l'invention de l'ordinateur personnel et, du développement de l'ordinateur personnel. Tout ça s'est passé dans la Silicon Valley aux États-Unis. Et en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, alors que la Silicon Valley était en train d'inventer l'informatique qu'on connaît aujourd'hui, il y a un certain Tim Berners-Lee qui travaillait au CERN, qui était développeur sous contrat au CERN. Alors, le CERN, on l'a déjà vu dans un épisode de Podcast Science, c'est le Centre Européen de la Recherche Nucléaire. C'est un lieu assez unique où, en fait, s'y croisaient, et s'y croisent encore, même peut-être plus encore, des personnes de culture, d'origine et de formation assez différentes qui tâchent de collaborer au mieux durant leur passage. Alors, le problème, bien sûr, c'est qu'ils parlent des langues différentes, ils utilisent des ordinateurs différents, avec des systèmes d'exploitation différents et avec encore plus de variété à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a, en gros, Linux, Windows et Mac. À l'époque, il y avait un peu... En fonction de la marque de l'ordinateur, il avait son système d'exploitation. Il n'y avait bien sûr aucune documentation à consulter sur le web, vu qu'il n'existait pas encore. Il y avait des logiciels différents, des procédures différentes, bref, un joyeux bordel où le gros de l'information est dans la tête des gens. Et comme chaque équipe scientifique venait faire ses expériences puis repartait chez elle, étudier ses données, il n'y avait pas vraiment d'autorité centrale pour organiser tout ça. Du coup, quand un nouveau développeur sous contrat comme Tim Berners-Lee arrivait au CERN, on lui présentait alors un grand nombre de personnes qui connaissaient certaines autres personnes mais pas d'autres, qui savaient des parties des choses mais avec une idée des autres. Et tout le jeu était de retenir un maximum pour permettre à mettre de l'huile dans tout ce fonctionnement, permettre aux gens de se trouver, d'aider à faire fonctionner les logiciels, etc. Et du coup, pour s'y retrouver, les uns après les autres, les développeurs arrivaient avec leur nouveau système révolutionnaire pour aider, demander aux gens de formater les données sous un certain format, utiliser un certain protocole, etc. Ce qui faisait qu'amplifier le chaos, parce que bien sûr, c'était jamais la majorité qui faisait la chose, donc il y avait plein de formats qui cohabitaient, et c'était d'autant plus le bordel. Si je vous raconte tout ça, c'est que c'est un peu dans ce cadre-là que Tim Berners-Lee a eu l'idée du web. Et ça parle bien parce que c'est un peu un mini-monde hein, ce qu'il avait au CERN. Il avait que des gens qui n'avaient pas envie de faire d'efforts pour communiquer ensemble, mais qui en avaient quand même besoin. Et c'était un vaste bordel, comme on peut l'imaginer. Du coup, lui, il se dit, je vais créer un système avec des règles que tout le monde puisse accepter. Donc il se dit, pour que tout le monde puisse accepter mes règles, il faut qu'il y ait aussi peu de règles possibles, qu'ils soient aussi simples que possible. Et surtout, il allait avoir une idée qui allait révolutionner le monde de l'information. Alors, faire attention, ce soir, je vais dire des mots comme révolutionner et tout. Il ne faut pas trop attitrer à Tim Berners-Lee toutes ces idées comme quoi elles étaient incroyables, parce que je pense que c'était un peu aussi une idée de l'époque. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui auraient pu avoir ce genre d'idée. Le fait est qu'il était au bon endroit au bon moment et il a conçu quelque chose qui a suffisamment bien fonctionné pour que ça prenne. Mais je ne suis pas si convaincu que c'était quelque chose qui était impossible à imaginer. En tout cas, il se dit, moi, ce qui me paraît être central, c'est la connexion entre les utilisateurs, c'est de mettre la connexion entre les utilisateurs et les machines au centre. En gros, de dire, ce qui est important dans un jeu d'idées, c'est à quel point elles sont connectées, de pouvoir dire, cette idée, elle est connectée avec une autre qui elle-même est connectée avec une autre, un peu comme on fonctionne quand on fait des sauts de mémoire. Et en se disant, finalement, j'ai pas besoin d'autre chose que ça. Donc je vous ai mis des citations dans le dossier que je vais pas lire là pour éviter mon anglais. Mais donc sa vision, c'est de se dire, on peut tout connecter ensemble, et ça va fonctionner un peu comme dans le cerveau. Avec les connexions, on va réussir à se dépatouiller pour s'y retrouver. Alors, cette idée que seules les connexions entre les informations ont réellement de l'importance, c'est pas anodin et c'était pas très simple malgré tout à accepter, parce que c'est une idée, et typiquement c'est une idée qui a fait le succès de Google quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'apparition de Google, donc là on fait un petit saut, plus tard, il y avait beaucoup de moteurs de recherche. Et en fait, il y avait deux types de stratégies pour chercher sur le web, sur les pages internet. On pouvait analyser les pages et faire remonter lors d'une recherche celle où le mot apparaît le plus. Donc ça, c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu ça, mais à l'époque, quand on cherchait Salami sur Internet, ben, on pouvait tomber sur la page personnelle de Monsieur Salami. Et donc, on avait même des gens qui abusaient de ça. Ceux de mon âge, c'est-à-dire de la trentaine, vont s'en souvenir. C'est des sites qui rajoutaient plein de mots-clés en bas de page, pas visibles, Britney Spears, machin, etc., pour apparaître dans les résultats de moteurs de recherche. Et l'autre approche, qui est plus l'approche de Yahoo, c'était de tout catégoriser. C'est-à-dire d'avoir une sorte d'index et de mettre des catégories pour fouiller par catégorie plutôt que par mots-clés. Et l'approche était finalement de faire à la main ces catégories, ou du moins de les corriger à la main. Pour vous donner une idée, à l'époque, AltaVista, un des moteurs les plus populaires, avait même envisagé de demander à des humains de trier les pages en fonction de leur pertinence, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un problème. Et ce que les créateurs de Google ont compris, et que dès la création du web, Tim Berners-Lee avait en tête, c'était que les liens pouvaient avoir de l'importance, et ils ont décidé de calculer un indicateur que le web, par concession, rendait complexe à comprendre, c'est combien de pages ont des liens qui redirigent vers une en particulier. Donc, c'est-à-dire de compter, quand on a la page de l'université de Stanford, de voir combien de pages redirigent vers l'université de Stanford, et quand on a la page de Monsieur Salami, combien de pages redirigent vers lui, et de se rendre compte du coup que la page de l'université de Stanford est beaucoup plus pertinente qu'une autre. Parce que le web permettait... Alors, c'était quelque chose qui était assez compliqué à calculer, parce que le web permet de faire un lien vers une page, mais il demande pas l'autorisation à la page en face. Donc, on rajoute des liens vers plein de pages, mais il n'y a rien qui permet de dire, quand on est sur une page, combien d'autres pages permettent d'y arriver. Bon, alors, je vais arrêter sur cette anecdote, juste pour dire que là où les connexions sont très importantes, c'est que du coup, en tapant le mot « université », AltaVista vous renvoyait une liste anarchique d'universités ou de pages comprenant le mot, alors que Google, de son côté, quand vous tapiez université, ils vont renvoyer Stanford. Alors aujourd'hui, ça va avoir un peu changé parce qu'il y a plein d'autres choses derrière. Mais donc, juste en utilisant cette logique de lien, on arrivait à avoir des informations qui étaient beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus logiques, et qui, en fait, c'est un peu l'histoire du web qui était déjà en train de se créer dans ces idées-là. C'est que Google, plutôt qu'utiliser plein de moteurs compliqués, etc., a utilisé l'intelligence collective présente sur le réseau. Donc en fait, c'était déjà une utilisation de ce réseau d'informations qui était en train d'être créé par qui est en train de créer par Berners-Lee dans mon récit au début des années 90. Donc revenons à la création du web. Donc son idée, c'est de permettre à n'importe qui, à n'importe quel moment, sans rien demander à personne, de lier un morceau d'information avec un autre sur n'importe quel ordinateur, n'importe où sur la planète. Rien que ça. Ça va jusque là pour la grande idée. Je vais rentrer dans le détail derrière, je vous rassure. Oui, c'est bon. Et du coup, histoire qu'il n'y ait pas de contraintes, son idée c'était d'avoir un système totalement décentralisé et sans contraintes, afin que le partage d'informations soit trivial, c'est-à-dire afin que personne n'ait à donner son aval pour valider la procédure et surtout qu'il n'y ait aucune limite de taille. Et seulement 20 ans après l'idée Internet, ben en fait on a déjà cette idée de réseau décentralisé qui est déjà très prenante et qui a forcément inspiré Berners-Lee. Alors on va venir maintenant à l'invention telle qu'il l'a imaginée et qu'est-ce qu'il a fait. Parce que, mine de rien, autant je vous disais qu'au niveau idées, c'était des idées qui étaient, je pense, un peu dans l'air du temps. Bon, il en a fait une réalisation bien. Mais au niveau réalisation, c'est assez impressionnant parce que c'est juste l'invention de 3 concepts et de 2 logiciels. Et qu'on utilise tous encore aujourd'hui. Donc, c'est pas anodin. Donc d'abord, il s'est dit, vu que mon but, c'est de partager de l'information, il faut que je vois comment partager de l'information. Et c'est là, on va parler du HTML. Donc vous avez sans doute déjà entendu ce qu'est le HTML, mais vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est. Donc il s'est dit, pour représenter l'information, lui, ce qui l'intéressait surtout, c'était de représenter du texte. Donc il aurait pu choisir un bête fichier texte, mais il s'est dit, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir avoir des liens entre les différentes informations. Donc il a choisi un autre format de texte qui existait déjà à l'époque, c'est l'hypertexte, qui en fait, comme son nom l'indique un peu, c'est un format de texte qui permet de rajouter 2-3 petits trucs, de la mise en page, c'est-à-dire de dire ça c'est un titre, ça c'est un sous-titre, et surtout les fameux liens. Alors à l'époque, l'hypertexte, il permettait uniquement de faire des liens dans la même page. Lui, ce qu'il va rajouter, c'est de pouvoir faire des liens à travers un réseau vers d'autres ordinateurs. C'est ça qui est la grosse différence entre l'hypertexte de base et le web. En tout cas, c'est grâce à l'hypertexte qu'il avait une base pour créer un système pour représenter l'information. Donc il reprend les idées de l'hypertexte et il crée l'hypertexte markup language, HTML, qui est un langage qui est toujours utilisé aujourd'hui et qui est le langage des pages web. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous vous connectez sur n'importe quelle page internet, derrière, il y a un fichier HTML. Un fichier HTML, vous pouvez le voir selon votre navigateur, il faut aller dans les options, vous pouvez faire afficher la source, et vous pouvez voir apparaître la source, c'est un langage qui est assez lisible, c'est pas joli, mais c'est lisible. C'est ce qu'on fait avec des balises, on appelle ça des balises, donc il y a des petits symboles inférieurs, supérieurs, et au milieu, il y a une balise qui indique quel est le type d'élément qu'on veut représenter. Donc par exemple, si on a une balise P, on va dire ça c'est un paragraphe. Si on a une balise A, on va dire ça c'est un lien. Et c'est comme ça qu'est représentée l'information d'une page internet. Le gros intérêt de ça, c'était du coup de transférer un bête fichier texte et après c'était interprété pour présenter une page avec un tout petit peu d'hierarchie d'informations et des liens. Et si vous voulez un exemple de page web pas trop compliqué pour la lire, vous pouvez aller sur la toute première page web de l'histoire qui est sur info.cern.ch et qui est toujours visible. Alors, en fait, je crois que c'est pas exact de dire qu'elle est toujours visible. Je crois qu'elle a été réactivée il y a quelques années. Je me demande si c'est pas pour l'anniversaire du web qu'ils l'ont réactivée. Ok, pour ce que c'est le HTML, donc un langage qui permettait juste de représenter un texte un peu enrichi avec des liens et puis de la mise en page. Mmh. Donc après, une fois qu'on a ce fichier texte avec de la mise en page et des liens, le truc, c'est qu'il faut le transmettre. Pourquoi le transmettre ? Parce que si vous voulez afficher une page web, une page HTML, il faut qu'elle vous soit envoyée par l'ordinateur qui la possède. Donc pour ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Il fallait, comme toutes les technologies réseau, créer un protocole de communication. Donc comme les protocoles, c'est comme on les utilise dans le langage courant, c'est comme des protocoles humains, ça suffit de définir des règles de savoir-vivre. C'est bonjour, je vais arriver avec un chapeau et une cravate, je vais frapper 2 fois, tu vas répondre ça, etc. Bon, c'est pareil, sauf que c'est des programmes. Je vais pas vous le détailler ici, ça a peu d'intérêt. Le protocole en question, c'est le HTTP, le Hypertext Transfer Protocol. Donc finalement, ces noms un peu compliqués sont pas si compliqués, ils définissent exactement ce que c'est. Voilà, donc c'est pas très intéressant que je vous donne les détails, c'est plus de la plomberie d'informaticien. Mais en tout cas, vous savez maintenant pourquoi une page web, une adresse de page web, ça commence en général par http://. Le HTTP, c'est « je vais utiliser ce protocole de communication ». Alors j'y viens justement, le http://. Une des inventions qui est sans doute celle qui est la plus répandue aujourd'hui, même au-delà du web, c'est une adresse pour tous les documents présents sur tout le réseau mondial. C'est ce qu'on appelle l'URL, donc l'Uniform Resource Locator, où l'idée, c'était avec une seule adresse, un seul petit, comme une adresse finalement postale, avec un seul petit texte, qu'on puisse savoir exactement quel document on est en train de demander. Donc ça, c'est ce que vous voyez souvent, si vous voyez encore, parce que je pense que les plus jeunes, et d'ici quelques années, plus personne verra d'URL, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a dans la barre d'adresse d'un navigateur. C'est ce qui, en général, s'écrit http://podcastscience.fm/, etc. Donc là-dedans, on va le décrire un peu parce que ça vaut le coup. Vous avez au début HTTP qui dit « je vais papoter avec toi avec le protocole HTTP dont on a parlé avant », donc le protocole de transmission des fichiers HTML. Ensuite, il y a en général un nom de domaine, par exemple podcastscience.fm, qui dit « c'est cet ordinateur qui m'intéresse ». Donc les noms de domaine, c'est très lié avec les adresses IP dont j'ai déjà parlé à la création de l'Internet. C'est-à-dire que c'est l'adresse de l'ordinateur, c'est cet ordinateur-là qui m'intéresse. Après, il y a un slash, et après le slash, il y a l'adresse du document qui m'intéresse. Donc sur Podcast Science, je ne sais plus comment sont faits les URL, mais c'est, vous irez voir dans le dossier, ça va être slash, catégorie, etc., qui va dire c'est ce fichier de l'ordinateur que je veux. Et du coup, voilà, enfin, il va dire je veux ce fichier-là, et ça va lui envoyer via le protocole HTTP le fichier HTML en question. C'est clair tout ça ou pas? Donc on a une URL où on dit je veux tel document. Avec là, hein, le protocole HTTP, ça va dire à l'ordinateur « je veux ce document » et le document va envoyer un fichier HTML qui après sera présenté dans votre ordinateur. C'est ce qui se passe tous les jours quand vous vous connectez sur un site internet. Irène, t'es avec nous ? Oui, oui. Je parle, mais j'ai oublié de me démuter. Hein. Mais oui, je suis et c'est super intéressant. Oui. Voilà, donc quand vous allez sur www.google.fr, en fait, vous faites une requête HTTP, c'est-à-dire vous faites une demande au protocole HTTP à Google qui, lui, vous renvoie en échange un fichier HTML qui, après, est affiché sur votre ordinateur. Alors, justement, il manque quand même 2-3 trucs pour faire marcher tout ça. C'est que là, on a tous les concepts, mais ce n'est pas avec des concepts qu'on fait marcher le bousin. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Et c'est là où il a créé 2 types de logiciels qui sont assez différents, qui permettent, l'un, d'afficher les pages web, enfin, de les demander et de les afficher, c'est le navigateur Internet, et l'autre qui permet de recevoir les demandes et de renvoyer la page web qui est demandée. Le serveur. Donc le navigateur, vous le connaissez tous, vous savez peut-être pas que c'est un navigateur, mais vous le connaissez tous, il s'appelle Chrome, il s'appelle Firefox, il s'appelle Internet Explorer, il s'appelle Safari pour les utilisateurs de Mac, ou il porte un autre nom, mais dans ce cas-là, vous savez très bien ce qu'est un navigateur, vous n'avez pas besoin que je vous l'explique ou que je vous le cite. Et donc le navigateur, vous avez une petite barre en général en haut, vous tapez dedans une URL dont on vient de parler, ça envoie une demande en suivant le protocole HTTP vers une autre machine qui, elle, a un petit programme qu'on appelle un serveur, qui la reçoit, qui va chercher le document qui est demandé et qui renvoie le fichier HTML demandé. Voilà, ben c'est ça le web. C'est la coordination de à la fois ces 3 concepts et les 2 logiciels qui papotent entre eux. Donc c'est loin d'être simple, c'est loin d'être évident, mais à l'usage, ouais. Mais à l'usage c'est très pratique, comme on peut le constater tous les jours devant notre ordinateur. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça fait compliqué, mais c'est vrai que ça marche effectivement, ouais. C'est beau la technologie, je trouve. Ouais, et puis en fait, c'est pas si compliqué que ça. Quand on y réfléchit, c'est un peu le minimum syndical qu'il faut pour que 2 machines papotent, quoi. C'est-à-dire, il y en a une qui demande, l'autre qui répond, et il y a un fichier texte qui est envoyé, quoi. Il a essayé de mettre le moins possible, hein. C'est finalement très peu par rapport à ce que ça peut faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, à l'époque de sa création, Berners-Lee avait une vision du web où chacun partagerait des fichiers plus ou moins présents sur son ordinateur. C'est assez dur de comprendre un peu en détail sa vision exacte. Mais lui, il avait une vision où le navigateur servirait à la fois à consulter les fichiers présents sur les autres ordinateurs et à consulter ou éditer ses propres fichiers. D'avoir une sorte de web collaboratif auto-hébergé. Alors aujourd'hui, on est assez loin de cette vision. Pratiquement personne, pour pas dire personne, n'auto-héberge ses propres serveurs. Au mieux, il en loue un dans un data center. Par exemple, Podcast Science loue un ordinateur, je ne sais même pas où d'ailleurs, je ne sais plus s'il est aux États-Unis ou en Suisse. Je crois qu'il est en Suisse. En Suisse. Et la plupart du temps, on utilise même des services professionnels. On utilise des services professionnels pour tout ça, ce qui fait qu'on n'a pas un web si décentralisé que ça. On a un web qui finalement est assez centralisé dans des data centers qui ont les ordinateurs qui font tout ça. En fait, l'idée du web telle que l'avait Berners-Lee, quand on y réfléchit un peu, c'est une place de partage et de collaboration. C'est très proche, en fait, de Wikipédia qui a apparu bien des années plus tard. Et sauf que lui, il imagine une sorte de Wikipédia décentralisée où tout le monde partagerait et éditerait de l'information et chacun aurait chez lui, en fait, une partie des fichiers, quoi. Si vous voulez avoir une idée un peu plus précise de ce qu'il détaille et si vous voulez en savoir plus, il a écrit un bouquin qui s'appelle Waving the Web. Je ne sais pas comment on prononce ça, d'ailleurs. Si tu le vois pas écrit, tu sauras pas dire Waving the Web, W-A-V-I-N-G, je crois. Je suis même pas sûr. Bref. C'est ça, Waving the Web. Où il décrit en fait toute la création du web, c'est passionnant, on pourrait en savoir plus, mais c'est un peu cette idée d'édition. Bon, ça n'a jamais été le cas, et finalement, bah, avec Wikipédia, on a un peu cette idée-là de partage, d'un espace collaboratif de création et de partage de l'information. En tout cas, c'est donc en 93 que le web, tel que décrit ici, apparaît sous la forme d'une page sur une machine hébergée par le CERN, qui existe encore, info.cern.ch. Et il ne restait plus qu'à trouver un nom. Alors, pour l'anecdote, il pense d'abord à Mine of Information. Mais en voyant que les initiales font moi, il n'aime pas trop le côté égocentrique. Du coup, il pense à The Information Mine, qui donne Tim, en abréviation, son prénom, donc c'est pas beaucoup mieux non plus. Et donc il revient tout fier avec The World Wide Web, rien que ça. Et on lui fait remarquer que c'est quand même un nom qui arrive à être plus court à prononcer que ses initiales, WWW, mais il l'aime bien, donc le World Wide Web est né. Et donc le WWW que vous voyez des fois au début des URL, c'est World Wide Web. Parce que ça aussi, tout le monde ne le sait pas. Ouais, c'est vrai que c'est lourd à dire. Hein. C'est vrai que... Ouais, mais bon, quand tu le traduis en français, c'est hallucinant comme nom, quoi. Bah, c'est hyper en fait, dur à dire. C'est la toile mondiale, quoi. Ouais. Alors, un truc qui m'a aussi motivé à faire ce dossier, c'est que là, je vous ai décrit le web à sa création. Mais en fait, les briques sont posées, mais on est encore assez loin du web que vous connaissez aujourd'hui. Et je voulais un peu vous parler de l'après-web. Enfin, de l'après-création, parce que le web tel qu'il est aujourd'hui et la popularité qu'il a aujourd'hui est aussi fait des innovations qu'il y a eu après. Donc, typiquement, le web des origines, tel que je vous l'ai décrit jusqu'à l'instant, c'était un web en lecture seule, qui était figé. C'est-à-dire que vous pouviez consulter des pages, mais vous ne pouviez rien faire d'autre. Il n'y avait pas de formulaire pour écrire des commentaires, pour poster un article de blog. D'ailleurs, ça n'existait pas encore. D'ailleurs, vous savez d'où vient le mot blog ? Moi, pas du tout, en fait. Pascal ? Je l'ai su. Weblog. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que donc c'était des logs. Log, c'est un terme un peu utilisé en informatique, qui est un peu un journal. Et donc, c'était les weblogs. Et un jour, un designer a mis des couleurs à ça. Ça faisait Weblog. Et ils se sont dit, c'est cool. Donc, c'est devenu blog, quoi. Waouh. Ah ouais, je savais pas du tout, moi. Moi aussi, j'ai découvert complètement ça dans Innovators. C'est un peu l'idée du journal intime, mais tout sauf intime. Voilà, c'est ça. Et on a l'idée du premier blog. Ouais, voilà. On a l'idée, mais je m'en souviens plus. Je l'ai pas en tête, là, et je l'ai pas noté. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a un web qui est en lecture seule, donc il n'y a pas de formulaire pour écrire des commentaires, pour poster un article de blog. D'ailleurs, ça n'existait pas encore. On n'a pas de système sécurisé pour payer et donc acheter des choses en ligne. Il n'y a pas de notification, de chatroom ou toute modification de la page sans la recharger. Alors ça, c'est un élément qui va être clé là, dans ce dont je vais en parler. C'est que c'était un web où une fois que la page était chargée, elle ne bougeait plus. Alors, à des détails près, il pouvait y avoir des gifs animés, il pouvait y avoir des petits mots qui clignotaient. Mais en tout cas, il ne pouvait pas y avoir une notification qui popait, il n'y avait pas une petite chatroom en bas à droite pour papoter avec ses amis. Tout ça, ce n'était pas possible. Donc c'était un web quand même assez limité. Déjà très sympa, parce qu'on peut mine de rien consulter des sites internet, mais c'est un peu figé, quoi, par rapport à l'expérience qu'on en a aujourd'hui. Et puis bon, n'en parlons même pas, il y avait bien sûr pas de vidéo, pas de retransmission live, et pour l'anecdote, dans la toute première version du web, il n'y avait même pas d'image. C'était pas prévu parce que Berners-Lee n'était pas convaincu de l'intérêt de mettre des images sur le web. Donc bon, on avait quelque chose d'un peu austère au départ, et c'est pour ça que je voulais parler un peu de l'après. Alors heureusement, ce cher Berners-Lee, dont on parle depuis le début, je pense que c'était un amoureux d'un certain foutoir. Je pense que tu l'aimerais beaucoup, Romain. C'est-à-dire qu'au lieu de garder sa création pour lui, la protéger, diriger d'une manière dictatoriale comment le web doit être et ne pas être, ben en fait, il insista d'abord auprès du CERN pour rendre le web open source et libre. Et il engagea toutes les personnes qu'il pouvait croiser à créer des nouveaux navigateurs web et d'utiliser le web un maximum sans s'en priver. C'est-à-dire que son but, c'était de répandre la chose, de faire qu'un maximum de gens aussi créent des logiciels. Quand je dis créer un navigateur, c'est que les gens créaient un nouveau logiciel qui était plus le sien et donc qui pouvait évoluer de manière différente. Et donc, il y a plein de navigateurs qui naissent sur la plupart des systèmes disponibles qui permettent des choses plus ou moins différentes et qui font que le web va pouvoir évoluer d'une manière assez organique, en fait, où chacun va un peu y aller de sa fonctionnalité et quand elle va prendre, ça va s'uniformiser, quoi. Et c'est avec, alors là, les clins d'œil aux plus vieux, moi, j'ai pas connu cette époque, j'ai connu l'époque juste après, c'est avec Mosaic puis Netscape que toi, peut-être, Irène, sauf insulte. Et oui, j'ai utilisé, effectivement, les deux, Mosaic et Netscape. Voilà, ouais. C'est avec Mosaic et Netscape que le web gagne beaucoup plus d'utilisateurs et surtout, il gagne beaucoup d'outils qui feront grandir sa popularité et ses usages. Pour les plus jeunes, Netscape est plus ou moins devenu... il a servi de base à Firefox plus tard. Donc, c'est pas loin de choses qu'on connaît encore. Et alors, voilà. Donc, ces navigateurs-là, c'est eux qui vont créer des fonctionnalités, d'abord que pour eux, mais qui vont après se répandre sur les autres navigateurs pour des histoires de concurrence, etc. Et qui vont apporter des fonctionnalités qui, aujourd'hui, sont indispensables au web. Par exemple, c'est avec Netscape et Mosaic qu'on voit l'apparition des connexions sécurisées, qui permettent le paiement. Alors, c'est peut-être tout con, hein, mais pour qu'il y ait du commerce sur le web, il vaut mieux avoir des connexions supervisées. Hyper important, les formulaires. C'est-à-dire que si on veut un web collaboratif où vous y allez de votre commentaire, où on peut poster des articles, où on peut faire toute interaction avec un site, il faut un formulaire pour faire une demande de contact. Voilà, ça c'est apparu dans ces navigateurs-là aussi. Et surtout, deux nouveautés dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui sont pourtant hyper centrale aujourd'hui dans le web, JavaScript et Ajax. Irène, tu avais quand même entendu les mots ? Oui, oui, j'ai jamais utilisé vraiment, mais oui, JavaScript surtout. Ah si, oui, tu as utilisé tous les jours. Mais alors, en ce moment, le même, tu utilises JavaScript et Ajax. Oui, bon, eh bien, je suis très ignorante, ouais. La chatroom sans Ajax, ce serait plus compliqué. C'est juste pas possible. Ou alors, elle se rechargerait à chaque fois, ce serait un enfer. Mais je crois que ça existait à une époque, des trucs... Enfin, les forums, en fait, c'était un peu ça, où il fallait recharger la page pour voir les nouveaux messages. Donc... En fait, au début des webs, donc les fonctionnalités manquant, soit on devait rajouter des petites extensions à nos navigateurs pour les ajouter. Donc là, là-dessus, les plus âgés dont je fais partie, pour le coup, en ont connu. Donc le dernier reliquat de ça, c'est le plugin Flash, dont vous pouvez avoir entendu parler. Mais à l'époque, il y avait le plugin Java, il y avait les plugins Real Player. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Real Player, un bonheur. Enfin voilà, tout plein de plugins à insister qui rendraient votre navigateur lent, qui le faisaient bugger, mais qui lui permettaient d'avoir des fonctionnalités que permettaient pas forcément les autres navigateurs. Et voilà, en particulier, un des grands fers de lance de cette approche-là, c'était Internet Explorer, qui proposait un web un peu modifié, enfin même beaucoup modifié, et qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a plein de développeurs qui se tirent les cheveux à faire une version Internet Explorer et une version pas Internet Explorer de leur site web. Alors ça s'est beaucoup calmé sur les dernières versions, mais Internet Explorer a eu cette approche de mettre des fonctionnalités qui étaient différentes pour lui, et qui n'étaient pas présentes chez les autres. C'est encore le cas dans tous les navigateurs, mais la plupart maintenant le font de manière raisonnée, c'est-à-dire qu'ils font des fonctionnalités qu'ils appellent expérimentales, et ils essaient de faire du lobbying pour que ça devienne des fonctionnalités officielles. Tu me corriges si j'ai des conneries, Pascal, sur tout ça. Je n'hésiterai pas, mais pour l'instant, je ne crois pas en avoir entendu. Voilà. Et donc, en 95, apparaît le fameux JavaScript, un langage qui, selon la légende, a été développé en 10 jours pour Netscape. Alors là, c'est un peu plus qu'une légende, je crois que c'est un fait, mais quand je dis selon la légende, c'est que la toute première version de JavaScript, a priori, permettait pas de faire vraiment tout ce qu'on donne à faire à JavaScript aujourd'hui. Donc il a quand même mûri en beaucoup plus de temps que 10 jours. En tout cas, JavaScript change la donne pour plein de raisons. D'abord, c'est un langage de programmation un vrai. C'est-à-dire qu'il permet, comme on en avait parlé dans mon dossier sur les algorithmes, d'écrire une machine de Turing, et donc de pouvoir écrire n'importe quel programme. Ça, c'est hyper important. Et contrairement à HTML, parce qu'HTML, je vous ai dit que c'était un langage, mais c'est pas un langage dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est un langage, on peut écrire un peu de trucs et il est compilé pour faire autre chose, mais il permet pas de faire des programmes. JavaScript, il permet d'écrire tous les programmes. Et surtout, en étant arrivé très tôt, donc dès 95, il est très vite intégré dans tous les navigateurs. Donc ça marque quelque chose d'hyper important, même si à cette époque-là, ça n'a pas non plus changé du jour au lendemain tout, mais ça voulait dire que dans tous les navigateurs, à disposition des développeurs, il y avait un langage qui était capable d'exécuter n'importe quel programme. Et donc ça, c'est pas anodin, parce que ça veut dire que sans installation supplémentaire de l'utilisateur, on pouvait faire fonctionner un peu n'importe quoi sur un navigateur, pour peu que l'ordinateur soit assez puissant, et puis que les différentes bibliothèques d'applications apparaissent. Et donc maintenant, les développeurs ont à leur disposition un outil de mise en page, le HTML, et un langage de programmation pour faire évoluer les pages web sans les recharger. C'est ce langage, par exemple, qui va permettre à la page de prendre vie, donc vous n'aurez plus besoin de la recharger. Vous pouvez mettre en plein écran une image sur Google Images sans recharger la page. Vous pouvez déplacer la carte de navigation de Google Maps sans recharger la page. Vous pouvez jouer à un jeu, alors c'est un peu limite parce que c'est des jeux non flash, sans recharger la page. Je crois que agar.io, par exemple, qui est très populaire en ce moment, c'est un jeu qui utilise JavaScript. Voilà, donc ça, c'est une première révolution qui a quand même changé la face du web et qui en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont quasiment que du JavaScript, qui a pas mal changé la donne, parce que ça permettait à la page de devenir vivante sans avoir à la recharger, donc de mettre beaucoup d'interactions dans la page. Je sais pas si c'est clair à quoi sert JavaScript, Irène. Oui, je comprends bien. Oui, non, tout à fait. Et donc, le deuxième élément dont on parle peu, mais qui est hyper important, et peut-être encore plus que JavaScript, mais bon, il aurait jamais existé sans JavaScript, c'est que JavaScript, ça permet de modifier la page après son chargement, mais ça ne permet pas de charger du nouveau contenu. C'est-à-dire que la page, elle n'aura pas de nouveau contenu, on peut juste s'amuser à le cacher, l'afficher, à faire des effets visuels, mais il ne sera pas de nouveau. Pour cela, il faut recharger la page. Et bien en 2005, la dernière pièce du puzzle apparaît sous le nom d'Ajax. Alors je ne vous ai pas traduit le nom, tiens, il faut que je le rajoute dans mon dossier. Tu sais peut-être le nom par cœur, ça c'est un piège, Pascal. Je crois que c'est Asynchronous. Ouais, Asynchronous, JavaScript, bon, quelque chose comme ça. Enfin bref. Voilà. Là, les deux premières lettres sont les plus importantes, c'est-à-dire que c'est du JavaScript asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la page, une fois chargée, elle va avoir le droit d'aller chercher des nouvelles informations auprès d'un serveur. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est grâce à Ajax aujourd'hui que lorsque vous arrivez en bas de votre page Facebook, les nouveaux posts apparaissent, que la chatroom de Podcast Science se met à jour en temps réel sauf que la page, sans que la page se recharge. En bref, avec JavaScript et Ajax, les pages web prennent vie et restent connectées au web même après le chargement. Et c'est en fait ces technologies-là qui vont amener à ce que beaucoup appellent le web 2.0, c'est-à-dire un web qui est collaboratif et qui se met à jour, un peu en temps réel, quoi. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'utilisation à outrance de ces choses-là, c'est-à-dire qu'on a des pages ultra dynamiques où il y a des pop-ups qui apparaissent pour parler de plein de choses en temps réel, et ça, ce serait impossible sans ces technologies-là. Donc voilà, je voulais juste rétablir un peu ce qu'il aurait dû. ça va, Irène, toujours ? T'es notre étalon ce soir-là. Oui. Parce que Robin est occupé, je crois, avec Boson. Ah oui, ouais, pour notre raison, mais ouais. Oui, non, mais je suis et c'est super intéressant. Je suis un peu occupée par Nabila aussi, mais bon, ça fait rien. Donc, Ajax et JavaScript ont radicalement changé l'allure et le fonctionnement de nos pages web. La plupart des pages aujourd'hui fonctionnent plus comme un bête fichier HTML qui contient toute l'information, comme je vous l'ai décrit au début. En fait, si vous prenez une page comme celle d'un dossier de Podcast Science, par exemple, c'est bien un fichier HTML, mais il y a un bout de code JavaScript qui indique qu'il faut aller demander à un autre service, Discuss, de charger les commentaires du dossier. Il y a un autre bout de JavaScript qui demande d'aller chercher à SoundCloud le son de l'épisode. Il y a des balises d'images qui indiquent qu'il faut aller chercher des images ici ou ailleurs. Enfin bref, vous aurez compris, une page web existe de moins en moins sur un serveur de données. Elle est de plus en plus un patchwork d'un grand nombre de morceaux de pages disponibles sur divers serveurs un peu partout. Donc c'est un joyeux foutoir, mais ça fonctionne pas trop mal finalement. Moi, c'est quand même fou, je trouve, parce que ça peut paraître simple, mais en même temps, ça peut paraître hyper compliqué. Et je trouve que si on ne se tient pas au courant régulièrement et on n'utilise pas ces trucs régulièrement, je pense que les gens, ils sont vite largués quand même avec toutes ces technologies. Alors, on va y venir parce que finalement, oui et non. C'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de langages, de trucs à apprendre, mais en fait, d'un point de vue utilisateur, il y en a très peu, je vais y venir tout de suite. Et par contre, le truc qui déroute le plus, moi, je trouve, surtout pour leur en discuter avec des employés, des stagiaires, etc., c'est le fait qu'il faut un peu changer son mindset. Il faut avoir une façon de penser en graphe et plus du tout une façon de penser linéaire. Il faut penser à une sorte de bordel interconnecté et ça marche mieux et c'est plus robuste que de penser à un truc bien linéaire qui va faire les trucs dans l'ordre. Et ça, par contre, c'est un sacré step à passer au niveau pensée, quoi. Ouais, non, c'est... Ouais. Mais en fait, il y a vachement de choses, enfin, tu en reparleras sûrement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous paraissent évidentes. Et moi, je vois les gens, encore une fois, qui n'ont pas utilisé un ordinateur pendant quelques temps, ils sont vite largués, quoi. Même aller surfer sur le web, aller écouter un podcast, un truc comme ça, c'est vite fait d'être paumé, quand même, je trouve. Yep. Alors, justement, on parlait de la suite, on parlait un peu de lobbying, parce que après son invention, Berners-Lee aurait pu laisser le web vivre un peu comme je l'ai présenté juste avant, le laisser se faire utiliser par tout un chacun à sa guise, quitte à le transformer ce merveilleux système en quelque chose de beaucoup plus limité pour des raisons commerciales. Par exemple, le navigateur Mosaic dont on parlait tout à l'heure, au début, il tentait de faire croire que c'était lui le web et qu'il cherchait à mettre sous silence l'invention sous-jacente. Ou plus tard, Internet Explorer, rapidement majoritaire, a essayé d'imposer son web incompatible avec les autres. Ce qu'a fait Berners-Lee, en fait, justement là-dessus, c'est que, toujours dans une logique pas très dictatoriale, il s'est dit je vais créer un consortium. Donc, il a créé en 1994 le World Wide Web Consortium, plus connu sous le nom W3C, qui aura pour rôle d'éditer les bonnes pratiques du web, de donner des exemples, etc. En gros, c'est une place où celui qui souhaite peut se renseigner sur les bonnes pratiques et apprendre à faire les choses bien, s'il a envie. On ne le force pas. Toujours dans la même approche de ne rien imposer. Toujours est-il que le W3C existe encore aujourd'hui et il a cessé de prendre de l'importance. Et c'est lui qui met en forme, en fait, la forme normalisée, les pratiques qui commencent à émerger en échangeant avec toute l'industrie. Et c'est lui qui a permis l'adoption comme standard d'un grand nombre de technologies, parce que là, je vous ai parlé d'Ajax et JavaScript, mais depuis, il y a plein d'autres choses pour la vidéo en live, pour la vidéo tout court, pour etc. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter l'excellent site evolutionoftheweb.com qui retrace tout l'historique des technologies du web. Et c'est grâce à un peu cette instance, je sais pas comment on peut la décrire, Pascal, mais je trouve que ça fait un peu penser à une sorte d'ONU de l'internet, quoi, qui va aller éditer des bonnes pratiques, des bonnes façons de faire, etc., où il y aura des débats. Ouais, il y a un peu de ça. Mais qui n'a pas un rôle autoritaire, en fait, quoi. En fait, ça paraît simple, hein, raconter rapidement comme ça, mais vous imaginez que le web, c'est une collaboration mondiale en perpétuelle évolution, quoi. C'est pas anodin, hein. Des collaborations mondiales, et pour le coup, vraiment mondiales, on n'en a pas des tonnes. Et personne, il y a 20 ans, aurait pu imaginer une telle chose, quoi. Non, c'est vrai que ça a aussi des implications énormes d'un point de vue politique, économique, etc. C'est énorme, énorme. Et ce qui est marrant, c'est que c'est cette approche bordélique et décentralisée qui a permis son émergence. Alors, on ne peut pas réécrire l'histoire, hein, mais si on prend la France, par exemple, dès les années 80, il y avait le Minitel. Et la grande différence entre le Minitel et le web, c'est que y en a un qui, le Minitel, qui était centralisé et avait la volonté de contrôle, contrôle par un État. Alors que le web, c'est un mortel anarchique contrôlé par personne. Berners-Lee, dans son bouquin, explique justement que c'est quelque chose qui était très compliqué pour lui d'expliquer à plein de politiques, etc. En disant, on lui disait, bon, présentez-moi le chef de l'Internet. Il fait, y a juste pas de chef, en fait. Quoi. Et c'est vrai que ouais, c'est pardon, je t'interromps, mais c'est vrai que c'est incroyable quand même, ouais. Voilà, donc par exemple, si le W3C du jour au lendemain se met à devenir dictateur et à dire vous devez suivre telle recommandation complètement stupide, personne ne la suivra, point. Et fin de l'histoire, il n'y aura pas de débat outre mesure, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas imposer comment le web évolue, en fait. Voilà pour les deux mots de lobbying, donc c'est assez important, et vous pouvez consulter le site du W3C, en particulier si vous voulez voir à quoi ressemble le HTML, etc. Bon, c'est plus technique encore, on parlera à la fin de bouquins moins techniques pour ça, mais je trouve que le web a ce côté, et en particulier le HTML, à ce côté, c'est devenu, ça a une telle importance aujourd'hui, qu'à mon avis, c'est important de comprendre un peu comment ça fonctionne, parce que vous l'utilisez en permanence, quoi. Ouais, en fait, j'allais encore interrompre, mais c'est vrai que quand tu dis « parce que vous l'utilisez en permanence », et encore une fois, je reviens, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu obsédée, mais je reviens à ces gens qui, justement, ne l'utilisent pas en permanence, quoi. Et je trouve qu'on est rapidement dépassé, ça change hyper vite quand même. Hein. Alors, sur le « ça change hyper vite », c'est mon dernier paragraphe, là, où on va y venir, parce qu'il y a quand même un élément qui, moi, me fait toujours halluciné, c'est qu'en fait, le web a un peu mis fin à la guerre des langages. Alors, je vais me prendre des trolls sans doute en disant ça. Mais en fait, grâce à JavaScript, Ajax et aux différentes technologies qu'a pu acquérir le web, les navigateurs sont capables aujourd'hui de faire de plus en plus. Et seules quelques applications assez spécifiques ont encore besoin d'un logiciel vraiment installé sur votre ordinateur. Aujourd'hui, on peut éditer des images sur un site web, on peut faire de la visioconférence, on peut même programmer un site web sur un site web. Oui, ça commence à être de l'inception. Et ce qui est épatant du point de vue de l'utilisateur, c'est que les seuls langages utilisés sont ceux que connaît le navigateur web. Donc il y en a très peu, en fait. Quand tu disais ça évolue tout le temps, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a JavaScript et HTML. Bon, en vrai, il y a 2-3 autres petits trucs, il y a SVG, il y a CSS, il y a des normes du web, mais c'est principalement JavaScript et HTML. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, du point de vue utilisateur, on demande un document avec une URL et on lui renvoie un fichier qui contient de l'HTML ou du JavaScript. Ce qui se passe entre la demande et la réception, ça regarde que le développeur du serveur et de notre point de vue, ça ne change rien. Si un programmeur veut utiliser un langage obscur de sa création, tant qu'il nous envoie de l'HTML et du JavaScript, tout va bien. S'il veut complètement changer d'architecture et de langage du jour au lendemain, tant qu'il nous envoie de l'HTML et du JavaScript, tout va bien. S'il veut faire transiter notre demande à travers 2000 serveurs, chacun faisant une petite tâche spécifique, tant qu'il nous envoie de l'HTML et du JavaScript, tout va bien. C'est-à-dire que toute page que vous consultez dans un navigateur, si elle n'utilise pas de plugins comme Flash ou d'autres petits trucs comme ça qui ont tendance à disparaître, au final, c'est que de l'HTML et du JavaScript. Google Doc, c'est rien d'autre qu'un fichier HTML avec du JavaScript. Agar.io, le jeu dont je parlais un peu débile tout à l'heure, c'est de l'HTML et du JavaScript. Donc c'est là où, pour revenir sur ce que tu disais, Irène, je trouve que c'est assez épatant de se dire qu'aujourd'hui, on a toutes ces technologies-là qui finalement reposent sur ces deux briques-là, du point de vue client. Quand on voit les problèmes qu'il y a pour faire en sorte qu'il y ait un seul type de prise pour les chargeurs, pour les prises électricité, pour les machins comme ça. Et ça, en fait, il y a un bouquin sur JavaScript, parce que JavaScript, c'est un langage qui est détesté par beaucoup de gens, qui est sans doute le langage le plus détesté qui existe. Mais en fait, c'est pas la question, c'est pas le meilleur langage, c'est juste le seul disponible dans le navigateur. Donc, tout le monde l'utilise. Mais justement, c'est... Ouais. Et pourquoi il n'y en a pas... Parce qu'à partir du moment où il y en avait un et que tout le monde s'est mis à l'utiliser, quel est le besoin d'en faire un autre et de surtout comment l'imposer? C'est ça, parce qu'à partir du moment où... Mais si t'en fais un autre, du coup, il faudra l'imposer partout. Il n'y a pas de place. Un meilleur langage, c'est une histoire de combat de chapelle, en fait. Tu vois, les gens s'accommodent. Au bout d'un moment, ils développent des bibliothèques par-dessus et puis on s'y fait. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir que finalement, tu dis, il n'y a pas de chef du web. Là. Je suis désolé, j'étais un petit peu interrompu à un moment, mais en fait, il y a quand même, d'après ce que tu racontes, un type qui a décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de chef quand même. Et qui a réussi à faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Parce il a fait du lobbying pour qu'il n'y ait pas de chef. Quand il fait son W3C, c'est justement pour éviter qu'il y ait des chefs qui prennent la place. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été assez balèze pour réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas de chef. C'est vrai que l'architecture dès le début était conçue pour ça, ouais. Mais ça suffit pas forcément. Et voilà, bon, allez, après, quand je parle au niveau de langage et tout, ça c'est côté client, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que côté derrière, entre la demande et la réception, là, il peut se passer beaucoup de choses beaucoup plus complexes où il y a beaucoup d'évolutions qui se font. Les Google et Facebook, quand il y a de la reconnaissance d'image, etc., là, on n'est plus dans du JavaScript et de l'HTML. Voilà, et bon, en tout cas, c'est pour ça, en revenant sur ce côté, qu'il y a vraiment ces deux langages un peu centraux, qui sont des briques un peu centrales de notre ère de l'information, que moi, je comprends aujourd'hui pourquoi des gens militent pour que, comme une langue vivante, le HTML soit appris dès le plus jeune âge, en fait. Parce que c'est devenu une des langues de communication les plus utilisées dans le monde. Ça fait bizarre, hein, dit comme ça, mais pour le coup, c'est vrai, n'importe qui partage de l'information aujourd'hui, à un moment ou à un autre, il a besoin de la convertir en HTML. Je vous convainc avec mon militantisme de bas étage, là, ou pas? Moi, je suis très convaincue, ouais. Oui. Bah, et puis, vu comme ça évolue, la vitesse à laquelle ça se développe, c'est clair qu'il faut que tout le monde apprenne à parler cette langue, à se débrouiller là-dessus, quoi. Voilà. Bon, du coup, ça me permet juste de conclure sur ce dossier avant d'avoir les questions. J'ai déjà vu que dans la chatroom, ils se sont éclatés au niveau image. Donc, le cloud, tel que vous en entendez parler aujourd'hui à tort et à travers, c'est justement l'aboutissement d'une vision du web, celle où les ordinateurs se résument à un navigateur web qui interprète le HTML et le JavaScript et où tout le reste se fait à distance. Il se peut même que d'ici quelques années, tout comme aujourd'hui, peu de monde fait la différence entre Internet et le web, vous maintenant vous savez, peut-être que peu de personnes feront la différence entre un navigateur web et un système d'exploitation, qu'ils se diront finalement, je vois pas la différence, moi j'ai mon ordinateur, il y a un navigateur web, point barre, quoi. C'est mon ordinateur. Voilà. Quelques juste bouquins, parce que, alors, aussi étonnant que ça paraisse, il y a pas tant de bouquins de ça qui parlent du web, d'un point de vue non technique, quoi. Mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a donc The Innovators de Walter Isaacson dont je parlais, qui est très intéressant sur toute la révolution numérique. Donc, il se contente pas d'Internet et du web, il parle aussi du côté hardware. Il y a donc Waving the Web de Tim Berners-Lee, donc l'inventeur du web, qui raconte la création du web, qui est tout à fait passionnant parce qu'il est assez visionnaire, il est marrant parfois, il raconte quand il se trompe, enfin c'est assez sympa. Un bouquin qui est très accessible, mais qui est très sympa, surtout si vous y connaissez rien du tout, c'est From Gutenberg to Zuckerberg. Je mettrai tout ça dans mon dossier, hein, qui raconte un peu l'évolution de tout ça. Et puis voilà, c'est principalement ces trois bouquins que je trouve qui sont assez sympas si vous voulez en savoir plus. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Bah écoute, j'ai vu aucune question. Pourtant, j'ai rafraîchi la page. J'en conclus que donc la page où on liste les questions n'utilise pas JavaScript, c'est ça? Exactement. Non, c'est ça, tout à fait. Donc là, j'ai quand même appris un truc essentiel. Par contre, au niveau image, ils se sont éclatés. Hein. Ouais, alors d'ailleurs, j'ai quand même une grosse question sur ces images, mais ça c'est vraiment personnel. Donc pour les gens qui ne sont pas en live, puisque ça va quand même être la majorité des gens qui écoutent cette émission, il y a eu un nombre invraisemblable d'images postées où c'est des photos avec des textes, comme on en voit beaucoup effectivement sur Internet, avec des gens plutôt l'air stupide et des phrases qui disent en gros j'y comprends rien, une mamie qui dit mais dis donc est-ce que les mails c'est livré le dimanche ou des trucs comme ça. Mais ce qui me fait marrer, c'est que c'est toujours en anglais et j'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que si on met le texte en français, ça fait trop pauvre? Non, c'est parce que c'est la langue d'Internet. Ouais, mais c'est quand même fou, je veux dire, pour faire des blagues entre français, on est sur un podcast français, tout ça. Ah ouais, non, mais là, c'est quand même assez marrant, quoi. C'est parce que là, t'as pas compris que. Alors, il y a déjà une partie où c'est pas les gens qui les ont créés, ils les ont trouvés, donc en général, ils les trouvent en anglais. Et puis, t'as une partie des mèmes où ils sont connus en anglais, en fait. Donc, c'est comme des mots-clés connus en anglais, en fait. Je sais, mais ça pourrait très bien être traduit. Mais ça existe un peu, tu vois, le Allo Nabila, c'est la même chose en français. Oui, oh, certes. Merci. Bon, sinon, je suis ravi d'avoir effectivement appris que dès les années 70, il y avait des choses et tout. J'avais toujours été très impressionné. J'avais un cours à propos d'Internet par un mec qui était philosophe de formation. et qui nous avait expliqué qu'il réfléchissait à ça dans les années 70 dans un groupe de réflexion où il y avait des informaticiens, des mathématiciens, des philosophes, des sociologues, des je ne sais quoi. Et dans les années 70, il réfléchissait à ce que serait Internet. Ça m'est toujours énormément impressionné. Et avec ce que tu m'as dit, je me dis, bon, ça m'impressionne toujours, mais un peu moins. Il y avait quand même effectivement de quoi s'imaginer. Ouais, un peu. Après, c'est surtout la taille que ça a pris qui est délirante. Et puis encore une fois, c'est quand tu essaies, de plus en plus quand tu es sur un site, si tu essaies de comprendre en détail ce qui se passe pour que ta page s'affiche, tu deviens fou. Parce que de plus en plus, c'est un réseau, en fait. C'est pas du tout un truc linéaire. C'est un peu du « Ouais, t'inquiète, je vais chercher l'image là, je vais chercher le texte là, je vais le mettre à jour de ce côté-là. » Enfin, tu vois, c'est... je t'aurais écrit ça sur un papier, tu me mets dans un asile, tu m'embauches pas pour l'écrire, ce truc-là. C'est fou que d'un point de vue seulement, je veux dire, sociologique en français. Non, je sais plus comment on dit, social. Je ne sais plus, la place que ça prend dans notre vie maintenant, c'est incroyable. Et pour revenir à la remarque précédente, c'est vrai que le français, c'est minuscule dans l'Internet du monde, parce que c'est vrai que c'est l'anglais, c'est la langue internationale. Ce qui en soi est un peu étonnant, parce que au niveau langue, ce qui est assez incroyable, c'est que l'anglais ait pris une telle part, parce que t'as d'autres langues qui sont fortes. Il aurait pu être un Internet français, j'aurais eu du mal à y croire, parce qu'au niveau de la francophonie, elle est pas très connectée, ou elle l'a pas été très vite. Par contre, ça aurait pu être un Internet espagnol, par exemple. Et il y a un Internet espagnol, tout comme il y a un Internet chinois. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en Europe, on est très imprégné par l'Internet en anglais, quoi. Bah, c'est l'anglais. J'imagine bien l'apparition d'une langue comme une espèce d'espéranto qui se formerait naturellement. Mais c'est un peu ça, hein, parce que là, l'anglais de l'Internet, c'est pas un anglais parfait. Hein. Les influences de toutes les langues. Et... Mmh. Ouais. J'avais dit dans mon introduction, d'ailleurs. Oui, et puis il y en a qui font remarquer sur la chatroom, l'Internet français existe aussi et n'est pas ridicule. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses en français. Mais c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que tous les Internets locaux existent, mais le fait est que quand quelqu'un veut parler à tout le monde, il parle en anglais. Et c'est un peu comme sur JavaScript, c'est pas que c'est la meilleure langue, mais c'est la langue que tout le monde comprend, donc fin de l'histoire. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, c'est la langue universelle pour le moment, l'anglais. Hein. Et moi, je trouve que c'est même pas une histoire de pour le moment, c'est qu'il y a un mot, tu vois, c'est comme pour la science, c'est qu'il y a un moment, à quoi ça sert d'aller se battre, on n'est pas en train, elle appartient même plus aux Américains ou aux Anglais, c'est juste la manière de communiquer entre nous. Bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que ça va faire un épisode sur mimétique sur le sujet. Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait refaire un épisode sur la mimétique et sur, sur le sujet. Mais sur ce qui est de la langue des savants, c'est assez rigolo de penser que ça a changé, quoi. Ouais. C'était quand même le latin, quoi. Ouais, mais alors ça, c'est peut-être pas plus mal que ça change. Je sais qu'à ton époque, c'était le latin, mais bon. Bah, c'était le latin, mais c'était vachement localisé à l'époque. Hein. Pareil, le latin, c'était pas partout non plus. Hein. Voilà, pour la petite histoire technologique du web, parce que donc j'y ai mis pas mal de technologie derrière, mais je trouvais que c'était le pan de culture qui manque pas mal, hélas. C'est vrai que c'est intéressant, hein, mais... Alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions dans la chatroom, mais il y a eu beaucoup de commentaires, en effet, et surtout des illustrations géniales, ouais. Dont la dernière de Pouillot. Ah oui, mais Pouillot, j'ai vu qu'il avait fait des dessins au milieu de tout ça, le pauvre. Bon, et les premiers navigateurs web étaient textuels, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait que du texte. J'ai démarré Lynx récemment, moi. On passe à la suite, du coup ? Ou il y a d'autres questions ? Moi, j'en vois pas des questions. Mais c'est vrai que ça serait sympa de voir dans quelques années, tu vois, où on en est, en fait. Hein, voir comment ça évolue. Ça serait intéressant, ouais. Ouais, bah, surtout que, pour le coup, en fait, côté client, ça change pas. C'est pas délirant. Il y a des nouveaux fonctionnalités qui arrivent, mais côté serveur, ça change énormément. Enfin, parce que justement, les développeurs peuvent s'éclater, ils n'ont pas à s'adapter aux clients. Il n'y a même pas besoin d'un seul langage serveur. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est clairement le plus épatant, c'est que tu fais ce que tu veux de l'autre côté. Quoi. C'est-à-dire que Twitter, tutoir du jour au lendemain, ils changent les machines, personne ne s'en rend compte. Ouais, c'est vrai, c'est transparent. Ouais. Mais tu vois, même le concept de cloud, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui comprend exactement ce que c'est. Bah, en tout cas, il n'y a personne qui se met d'accord sur ce que c'est. Après, si, quand tu fais du cloud, tu sais ce que c'est parce que tu as quand même des usages. C'est con, hein, mais tu as des bonnes pratiques de codage. Si tu ne le fais pas, tu es mort en cloud, justement. Donc, ce qui fait que tu sais un peu ce que c'est. Mais... Enfin, après, le truc, c'est que moi, je n'ai jamais fait ça, mais c'est un truc qui m'intéresserait à faire aussi. C'est parce que c'est là, on est limite dans de la propagande par rapport à Podcast Science. C'est que je ferais bien un dossier sur justement le cloud via ce qu'a apporté Amazon Web Services, entre autres, et puis maintenant un peu Google et Microsoft, parce que c'est, pour moi, c'est vraiment, ils ont amené des choses, des concepts qui sont délirants, en fait. Ils ont fait oublier qu'il y avait un monde physique derrière, en fait. Ah ouais, carrément, ouais. Donc, mais bon, ce sera sans doute pas dans un podcast science. Ce sera dans mon nouveau podcast, Amazon Web Services Podcast. Je me demandais sur l'annonce sur le site de podcast, de la photo qui est du petit garçon sur... Non, c'est pas moi, non. Mais non, ah, c'est pas zut. Moi. J'ai trouvé ça sur Internet, pareil. Tiens, c'est bizarre. Mais je suis pas assez jeune, en fait. Moi, j'ai quand même connu le monde sans Internet. Hein. Ah bon? Ouais, bah. Et j'ai même connu l'époque où je m'embêtais... Enfin, où il n'y avait pas Internet chez toi? Bah non, mais attends... Oui, non, j'ai pas connu, d'accord, il n'y avait pas Internet chez moi. Non, et puis, j'ai connu aussi un moment où je m'embêtais sur le web. Tu t'embêtais sur le web? Genre, après une demi-heure de web, c'était bon, j'ai plus où aller, quoi. T'as fait le tour, quoi. Moi, j'ai ce souvenir-là, si tu veux, qui me paraît totalement irréel. Donc, je sais pas si je l'ai inventé ou pas, mais... Non, mais si, c'est vrai, je crois que j'ai commencé à aller sur le web trop tard, mais... Et oui, le faire de l'ordinateur, déjà... ouais, non, mais tu te rends pas compte, comme j'ai passé des heures sur Paint à juste colorier des trucs, quoi, ou à utiliser Mais moi aussi, et d'ailleurs, tu as dit une chose scandaleuse, tu as dit que Paint n'existait plus, alors que évidemment que ça existe encore, ça existe enfin, encore. Voyons. Et, oui. Et faire ah oui, de l'ordinateur, vous vous souvenez de cette expression? J'adore oui, cette Oui, on fait de l'ordinateur, non, et ça veut dire jouer... Oui, oui, tu peux aller faire de l'ordinateur. Ce qui voulait dire concrètement, jouer au démineur, ou dessiner sous Paint. Ou jouer avec les icônes en fonction du fond d'écran. Ouais, changer le fond d'écran, c'est... Quoique, parce que moi, j'étais quand même un privilégié, j'ai eu très tôt une imprimante, par contre, avec un Atari. Moi, à titre personnel, j'avais aussi une... par ligne. J'avais aussi une grosse occupation qui était de faire des écrans d'attente. Ah oui. Ah oui. Ça, c'était bien aussi. Regarder tous les écrans d'attente, le labyrinthe, mettre des textes. Toi-même, tu sais, le labyrinthe. C'était génial. S'occuper avec pas grand-chose, finalement, c'est un peu l'équivalent des gens qui jouaient avec des cailloux et des bâtons, quoi. On pourra dire la même chose. Moi, je me souviens quand Photoshop est sorti. Photoshop, c'était révolutionnaire. Tu pouvais changer un pixel à Moi, ça, j'ai connu très tardivement. Part, hein. Bon, en fait, quand j'étais tout petit, dans les souvenirs débiles dont je me souviens, c'est quand je voyais des images et que je les ouvrais dans Paint, je me disais, mais il y a des mecs, ils savent exactement quel point il faut faire rouge et bleu pour que ça fasse de loin une image. Ils sont balèzes. Non, c'est ça, je me disais, putain, moi je vais faire ça plus tard. C'est presque ce que t'as fait finalement. Voilà. On passe à la côte. Ouais, parce que là, nos souvenirs d'enfance, je pense que tout le monde s'en fout un peu. Si, ouais. C'est ouais, drôle. Ouais. On a plein de nostalgiques. Bon, si j'avais eu la chatroom au moment de préparer le dossier, je pense que j'aurais choisi comme quote ce chien qui dit « On the internet, nobody knows you are a dog ». Mais... Mais finalement, bon, c'était assez compliqué de choisir une quote parce qu'il y a un peu de tout sur le web, etc. Et finalement, j'ai pris une quote du bouquin de Berners-Lee, parce que si vraiment vous voulez en savoir plus, je trouve que le bouquin est assez amusant, intéressant, qui mélange de la technique mais pas compliqué avec des anecdotes, et où on voit un peu un côté visionnaire, où entre autres, il dit un truc, je sais pas si... Non, tu vas le lire, Irène, parce qu'il faut que ce soit bien lu. Et moi, je parle mal anglais. On va essayer. Ok. Argue that it was ridiculous for a person to have two separate interfaces. One for local information, the desktop of their own computer, and one for remote information, a browser to reach other computers. Why did we need an entire desktop for our own computer but get only a window through which to view the entire rest of the planet? Why, for that matter, should we have folders on a desktop but not on the web? Donc je vais traduire maintenant. Donc j'ai argumenté sur le fait qu'il était ridicule pour une personne d'avoir deux interfaces séparées, une pour l'information locale, le bureau de notre ordinateur, et une pour l'information distante, le navigateur, pour accéder à d'autres ordinateurs. Pourquoi est-ce qu'il nous faudrait un bureau entier pour notre propre ordinateur, mais qu'il nous faut seulement une fenêtre pour le reste, pour l'information du reste de la planète? Pourquoi ainsi devrait-on avoir des dossiers sur notre bureau, mais pas des dossiers sur le web? Donc j'ai choisi celle-là parce que je trouve qu'elle est de son bouquin, donc son bouquin il date pas du web, il date d'un peu plus tard, il avait un peu de recul, mais elle est encore visionnaire parce qu'on a encore cette pauvre fenêtre où on a 50 onglets ouverts parce que c'est le monde entier, et par contre on a un vaste bureau avec plusieurs espaces pour juste notre ordinateur à nous, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, non mais c'est intéressant effectivement comment créer l'architecture, quoi, la plus logique et la plus facile à utiliser, la plus intuitive. Ouais. Et la plus efficace, parce qu'effectivement, a priori, tu vas avoir plus de choses sur Internet que sur ton bureau. Mais ouais, sur de plus en plus. Donc c'est aussi un truc où je suis convaincu que d'ici quelques années, on aura des ordis qui seront majoritairement des navigateurs web, en fait. Très bien. Mais c'est vrai que ce problème de l'interface, c'est un problème qui se pose sans arrêt. Hein. Moi, je vois au boulot, c'est un truc qui on se pose sans arrêt la question. Comment faire une interface qui soit logique, en fait ? Et c'est assez rigolo parce que ça fait vachement penser aux notations en sciences, quoi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a des choses, une fois que tu as intégré le concept, il faut une interface qui permette de la raccourcir, de le faire vite. Je sais pas, moi, ça me fait vachement penser aux notations. Que ce soit en maths ou ailleurs, quoi. Ou un petit symbole, oui. Symbole va prendre une signification vachement importante. Carrément. Et parce qu'on s'y est habitué, parce que ça y est, on sait ce que c'est, et que donc ça fait gagner du temps, et que si on n'a pas ces symboles-là, on peut pas aller plus loin, on peut pas continuer. Mais je trouve que c'est exactement ça le problème, c'est que encore une fois. Pour quelqu'un qui lit du langage mathématique tous les jours, ça coule de source. Mais si tu arrêtes de le lire pendant quelques temps, tu vas y revenir, c'est hyper dur. Et je pense que c'est pour ça que c'est vite fait d'être largué avec Internet, etc. C'est parce qu'il y a plein de choses qui nous paraissent hyper intuitives et tellement logiques. Mais si tu ne les utilises pas tous les jours, mais c'est, ça va hyper vite, en fait. Hein. Et il y a des, les concepts de dossiers partagés, dossiers en ligne, etc. C'est des choses. Moi, je me rappelle qu'au début, ça me paraissait. Je comprends même pas ce que je comprenais pas, mais ça me paraissait pas si simple. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je reviens sur cet exemple. Moi, j'ai une copine récemment qui voulait finalement se mettre à écouter des podcasts, mais je me suis aperçue que lui apprendre à télécharger les podcasts, mais c'est hyper dur. Il y a rien en fait, de plus dur qu'écouter des podcasts. C'est bien pour ça que les podcasts n'ont pas le même succès que YouTube ou autre. C'est tellement compliqué, quoi. Et ouais. Non, ça, on est d'accord. Et pourtant, ceci étant dit, quand tu le fais tous les jours, moi, ça me paraît hyper simple. C'est Alors, en général, ça devient hyper simple le jour où tu as configuré ton lecteur de podcast, quoi. Mais c'est jamais simplissime. Même quand tu as un nouveau téléphone à configurer, c'est toujours chiant. Hein. Bah, je sais pas, moi, franchement, avec un Mac, aller chercher des podcasts et les télécharger, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Mais ce parce podcast que j'ai est sponsorisé par Apple. Bon, moi, toujours le tenter. Non, mais c'est vrai que moi, je suis une grosse fan de Mac parce que j'y comprends rien en informatique et parce que machin. Mais justement, les interfaces sont consistants entre eux déjà. Donc, j'ai pas besoin de toujours tout réapprendre en fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, coulent de source finalement parce que il y a des routines qui reviennent. Mais aller apprendre à quelqu'un qui a jamais utilisé une tablette d'aller chercher des podcasts et les télécharger sur iTunes, mais c'est l'enfer. Autre chose ou on conclut, les amis ? Bon, on conclut, je pense. Hein. J'ai fait un dossier pile de longueur parfaite, donc il y a un moment, il faut y aller, quoi. Bon, bah donc les amis, maintenant vous savez comment fonctionne le web, vous savez que c'est différent d'Internet, donc vous pouvez aller répandre la bonne parole et vous pouvez utiliser le magnifique web pour nous laisser un commentaire ou pour nous mettre... Ah non, je suis pas sûr que sur iTunes on utilise le web, donc on va pas parler d'iTunes, vous pouvez aller sur SoundCloud, vous pouvez aller donc sur podcastscience.fm, vous pouvez aller sur YouTube aussi. Et puis voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une roulie, bora chic, et puis bah, d'ici là, que servir la science soit votre joie. Retrouvez les meilleurs livres audio de science sur devivevoix.com. Écoutez le prix Nobel Serge Haroche ou le mathématicien Cédric Villani vous raconter leurs expériences dans des enregistrements inédits. Bénéficiez d'une réduction de 30% grâce au code podcast sur devivevoix.com. Devivevoix, des savoirs qui vous parlent.